36 kiosques, toi de Fun Radio, rubrique direct, a commencé par Saturne, 23 ans, département 77. Ça y est, c'est reparti. GG, Fildar, Manu et tous les autres de Fun Radio sont là. On est là exceptionnellement pour cette nuit, bien entendu. Ça sera la seule et unique, donc enregistrée là, parce que ça va valoir sans pesante des cacahuètes, n'est-ce pas, mon ami GG? Tout à fait. Avant de démarrer le débat et que je laisse la place à Olivier pour la réa de cette émission, si tout se passe bien, bien sûr. On rappelle que Manu et Fildar sont en standard 0800 3 08 5000, et l'internet également, il y a excessivement du monde qui vient de nous rejoindre. Erigo est là pour répondre à toutes vos questions sur l'internet ou le Minitel 3615 Pet Fun Radio, rubrique directe, bien entendu. Avant de démarrer les débats, et premier qui portera sur le dopage, nous avons quand même reçu, alors d'abord il y a des règlements de compte à OK Corral que nous allons mettre sur l'antenne et que nous allons mettre bien entendu sur le tapis rouge de Fun Radio, et nous avons également du courrier. Ah ouais, alors du courrier qui a été envoyé dernièrement, et en fin de compte je ne le savais pas, mais c'est apparemment notre ami Manu et Fildar qui voulaient absolument t'en faire part en direct sur Fun Radio. Non mais ça tu vois, c'est un truc qui me déteste, c'est de dire mon courrier sur l'antenne. Donc, ça c'est un truc qui me déteste. C'est pas la peine. Non mais c'est peut-être du attends, c'est peut-être du courrier intéressant. Ah ouais. Alors à 1h07 sur Fun Radio, écoutons alors, ce que bon, tu alors, veux, sûrement. Alors donc, bon, c'est vrai, bah, oui, j'y vais. C'est mon cousin qui t'a écrit encore. Salut Gérard. Je m'emballais les cacahuètes. Je t'aurais écrit une fois de plus, car n'ayant pas pu venir la dernière fois, j'ai reporté mon séjour et j'arrive chez toi le samedi 8 août vers 6 ou 7 heures du mat. C'est ça, eh ben, il peut rester dehors. Manu m'a dit que tu ne partais pas en vacances, donc il n'y aura pas de problème. Mais au cas où tu ne sois pas chez toi, laisse les clés chez Figeau, je passerai les prendre. C'est ça, alors il peut se mettre une grosse carte que je prends. Allez, toi avec. Bah, je te remercie. Je passerai aussi avec la grand-mère de Manu, qui est sous-motori au Japon, et elle passe à Paris pour un combat. Quoi, elle est sous-motori. C'est quoi ça? C'est pas une insulte, ça, c'est des gros bonhommes qui se poussent. C'est genre Manu, sauf qu'avoir au lieu d'avoir la nationalité française, elle est japonaise, quoi, c'est tout ce qui change. Oh, mais attends, quand tu vois un crapaud comme ça, voilà, ouais. Là, tu y en mets quatre comme ça dedans, c'est bon, hein. Donc là, avec les oreilles de chou, c'est bon. Vas-y, les oreilles de chou. Qu'est-ce que tu vas faire, Gérard? Tu vas baisser un peu ton... Non, je peux plus. Ah bah non, bah alors tu le changes, parce que pour que tu parles correctement devant ton micro, là. Bah, je vais me mettre comme ça. Bah voilà, par exemple. Alors, deuxième, je sais qu'il y a reçu du courrier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi? On parle mal de courrier, surtout une entreprise qui t'a écrit, Gérard. Ça va, sinon, bizarre, ça vient, bonsoir en plus. Ça va, les oreilles de chou? Ouais. Alors. Donc c'est, comment il s'appelle déjà? Frédéric Balto, directeur marketing de l'entreprise TPT. C'est quoi ça? Non, c'est un sérieux ou pas ça? C'est sérieux? Ouais, non, mais regarde, il y a une signature et tout. Non, mais attends, c'est quoi comme entreprise ça? C'est une fabrique en tout genre, ça s'appelle Tout pour Tout. Et donc, il. Non, mais TPT, ça veut pas dire ça, ça. Ça veut dire en principe, c'est PTT. Toi, tu travailles tranquille. Le fils de pute est de retour, c'est pour moi ou c'est pour Gérard qui dit ça, le mec sur le Minitel? Attends, lui, déjà, il va se faire sodomiser, c'est déjà pour commencer. Deuxièmement, on parle pas de ma mère, merci. Voilà, ok. Alors, monsieur, alors, suite à... Non, mais attends, je réponds quand même au mec sur Minitel. Si ça t'amuse de dépenser le fric à tes parents, bah, continue comme ça à nous traiter de fils de pute. Mais fais-moi confiance que la fils de pute, elle t'emmerde. Merci de parler comme ça pour ma mère. Oh. Parce que ma mère peut pas se défendre sinon. Ah bravo. Gérard, t'es hyper cool, tu peux du cul, voilà. Bon alors qu'il aille se faire sauter lui. Donc, alors écoutons. Suite à une importante demande auprès de nos fournisseurs les plus fidèles, nous aimerions vous rencontrer afin de créer une ligne à votre effigie. Ouais. Nos spécialistes travaillent depuis plusieurs mois à l'élaboration de produits aussi utiles qu'inutiles et aussi variés qu'avariés. Après lecture du rapport de nos scientifiques, nous pensons avoir trouvé de nombreux terrains sur lesquels nous pouvons nous entendre. Pour vous donner quelques exemples, voici une liste des objets et autres créations auxquelles nos spécialistes ont travaillé. Alors tu vas me dire si tu es d'accord. Une ligne de cigarette à la fois forte et ultra légère. Ouais. C'est-à-dire c'était une marque. Malboro, Camel, tout ça. Pas de marque. Un gros cul. Pas vrai. Tes oreilles de chou, je vais te les faire avaler. Non mais c'est sérieux, attends, c'est pas du courrier, on déconne, Gérard. T'as l'air de prendre ça à la plaisanterie. Non mais attends, moi, ça... Donc il y a plusieurs trucs, il y a une ligne de vêtements, il y a une ligne de conduite. Ouais, bien sûr, pourquoi pas... Une ligne de coke. Une ligne de coke. Une ligne blanche, une ligne et une. Donc... Ah non, mais pourquoi pas une ligne jaune? Ouais, bah oui, bah, pourquoi pas. Attends, jaune, non, mais tu vois, c'est pas pour critiquer une ligne, mais. Oh, c'est sérieux, ça. Attends, t'as entendu ce qu'il vient de dire? Excusez-nous, l'éditeur de Fun Radio, parce que Gérard vient de dire, c'est pas pour critiquer NG par rapport à la ligne jaune, parce que NG, qui est monsieur qui travaille à la sécurité là-haut, qui est asiatique, donc du fait que c'est ligne jaune, c'est pas pour critiquer NG. Tu sais ce que ça fait quand t'es croisé un chinois? Ça fait ligne jaune? Non, ça fait Shintok. Bon, alors, bien sûr, on revient. Donc en fait, la fin de la lettre rapidement. Donc en tant qu'auditeur fidèle de Fun, nous pouvons nous contenter d'une réponse à l'antenne. Ceci nous permettrait de gagner du temps ainsi que de l'argent. En attendant votre réponse et vos idées, nous nous sommes permis d'utiliser votre nom. Ouais. Ça, je trouve ça dégueulasse. Vas-y. Pour notre nouvelle ligne d'ouvre-boîte qui sera disponible en grande surface dès le 25 août. Attends, c'est sérieux ou pas? Ouais, c'est sérieux, il y a le cachet. Attends, il y a le cachet, tiens. Ouais, alors fais voir le cachet. Ah. Non, mais c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça dit, Gérard? Attends, le cachet, ouais. Fais-moi confiance que le cachet, c'est un tiers-bouchon. Oui, c'est Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un numéro de téléphone, on va l'appeler, ce monsieur. Ah ouais. On va l'appeler. D'accord. Eh ben, on va l'appeler. Alors, Attends, donne-lui le numéro de téléphone et on va appeler donc ce monsieur. Les débats, bien entendu, sur le dopage, hein, quand même, sur Fun Radio, quand on vous le rappelle, parce que vous n'avez peut-être pas compris, c'est Gérard, hein, donc il est venu ce soir faire un débat sur le dopage. Alors, monsieur, comment? Frédéric Balto. Alors on appelle Frédéric. Alors attendez, que je réexplique, que tout le monde parle en même temps, qu'on s'organise un petit peu parce que les pauvres ne vont rien comprendre de l'autre côté de la radio. On appelle donc un certain Frédéric Balto pour envoyer un courrier à Gérard demandant s'il était possible d'utiliser l'image de Gérard pour certains produits de son entreprise. Donc on y va, on appelle sur le portable apparemment de monsieur Frédéric Balto. Et Gérard va essayer de se renseigner et ça va, à mon avis, péter. Tu es mort, maître bâtard. Merci. Ça fait plaisir. Bâtard. Non, il n'y a pas de bâtard, voilà. Qu'est-ce qui nous défend? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Frédéric. Oui, tout à fait. Monsieur Balto. Tout à fait. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Je vous présente, Max, l'ami du moulin. Ah bon, on aurait pu me prévenir. Je suis en direct maintenant. Oui, vous êtes en direct. Avec un certain monsieur Gérard, je pense que ça vous dit quelque chose. Oui, tout à fait. Monsieur oui. Gérard, c'est, dit monsieur Gérard Con. Qu'est-ce que m'a dit Manu? Tout à fait. Comment tout à fait? Alors, je vais vous dire une chose, monsieur Frédéric Balto. Oui, monsieur Gérard Con. Oui, mais monsieur Gérard Con, il vous emmerde. Bien, c'est peut-être sérieux. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Oui. Que là, votre lettre, là, que j'ai sous les yeux. Attendez, c'est monsieur Gérard? Oui, c'est monsieur Gérard. Vous avez reçu mon courrier? Oui, mais ça veut dire quoi, cette histoire? Ça vous amuse? J'ai tout expliqué dans la lettre. Nous souhaiterions vous avoir dans notre entreprise. Ouais, bon, là, je pense que vous pouvez vous... Vous voulez recevoir des exemplaires de tire-bouchons? Non, mais là, vous torsez le derrière avec vos tire-bouchons. Quel est le problème, Stéphane? Quel est le problème? C'est que, de toute manière, il est hors de question que vous amusez à vous faire des conneries sur moi. Pourquoi? Parce que... Pourquoi? C'est comme ça, c'est tout. Vous n'avez pas d'autorisation, vous n'avez pas de signature. De signature, pourquoi? Ah ben attendez, moi je vous ai pas donné l'accord pour faire des conneries. Comment? Quoi comment? Vous voulez que je vous explique pourquoi et où et quand et avec qui? Je le souhaiterais. Ah ben alors déjà où? Je vous connais pas. Oui, mais moi je vous connais. Non mais moi je vous connais pas, d'accord? On est une entreprise assez jeune et on vous écoute. Oui, mais une entreprise assez jeune, ça j'en ai rien à foutre que vous soyez assez jeune. Oui. Hein? Donc, deux, ça vos conneries... Ça c'était le petit 1. Oui, petit 1. D'accord. Petit 2, votre tire-bouchon, vous allez vous déboucher le produit fait avec. Ah justement, on avait pensé que vous pourriez faire la même chose. Ah vous allez vous le déboucher vous-même. On refuse catégoriquement de le faire. Hein. Parce que là, votre tête, vous savez ce que j'en perds, je vais la garder. Ouais, et puis ça va aller au tribunal. Et, oui. Et dès demain, avec le numéro de téléphone que j'ai, oui. Donc je vous préviens, j'espère que c'est un bon. Oui. Si c'est pas un bon, on va vous rappeler quand même. On vous rappellera parce que dès demain, ça va au commissariat. C'est pas la peine de rigoler. Voilà, c'est là que vous êtes marron. Ok, voilà, en de bon entendeur, salut. Comment tu savais qu'il était noir? Qu'il était marron? Ah, moi, ah qu'il est fait comme un rat, tu veux dire. Il est mort. Non, mais pour l'instant, il est en train de se marrer comme un perdu, mais il va pas rigoler. Comme le pas perdu, mais... Non, qu'il absolument pas que vous soyez monsieur Gérard. Non, c'est ça. Attendez, on va... absolument pas ce que vous dites, monsieur Gérard m'a appelé. Fais-lui, Gérard, fais-lui un petit bras, c'est bon. Non, mais vas-y, fais-lui un petit bras, c'est bon. Vas-y, fais-lui un petit bras, c'est bon. Tenez, tiens. Mais mettez-vous bien ça dans... Ne soyez pas ridicule, jeune homme, je sais très bien que vous n'êtes pas monsieur Gérard. Mais c'est ça. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Mais non, presque pas. Vous voulez qu'on vous le fasse voir que vous n'êtes pas en direct sur Fun Radio? Faites-le moi voir. Je regarde. Attendez, je vais demander à... Je regarde. Max. Je vois rien. Il ne va pas me croire qu'on est en direct sur Fun Radio. Faites-lui péter un jingle. Mais je ne vois rien. Ben, vous voyez rien? Ben Fun Radio. Fun. 101.9 tous les jours. Mais Fun, c'est quoi? Fun, c'est une radio, bon, espèce d'abruti. Ah, c'est pas la bonne réponse. Ouais, très bonne réponse. Vous savez qu'avec des cons comme vous, on s'amuse avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme vous, on se fait chier. Ah, je raccroche. Eh ben, raccrochez si vous voulez, salut. Merci. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Bon, alors, c'est quoi le... après? Ah, voilà, bah, c'est bon, hein. Ah, voilà. Le gorille, là-bas. Alors, il y a quoi d'autre encore? Alors, il y a une autre lettre qui est plutôt sympa. Ouais. Alors, salut Gérard, je m'adresse directement à toi car je suis ton premier fan. Je t'écoute depuis plus de 20 ans, tu es pour moi un demi-dieu. Tu es si posé, cultivé et intelligent que c'est un régal et un grand bol d'oxygène de t'entendre sur Fun. C'est pour cela que j'ai deux thèmes de débat à te proposer, le dopage et les fantasmes. Ça passe bien. Non mais attends, attends. Hey. Allez, la suite. Hey, non mais attends. Hey. Pierre, je sais pas quoi, c'est... Holtz. Ouais, Holtz. C'est bizarre parce que ça, c'est depuis lundi que ça a été prévu et comme par hasard, la lettre n'est pas datée, il n'y a pas d'enveloppe. Bah si, mais on l'a dû... Ouais, bien sûr, vous c'est les enveloppes. Monsieur les enveloppes. Ah oui. Hein. Bah, on va pas les garder, hein. Ouais, c'est ça. Donc, dis plutôt que c'est toi qui t'amuses à faire le con. Ok. Bah voilà, comme toi, quand tu vas aux toilettes, tu collectionnes pas les crottes, tu les gardes pas, tu les jettes. Non mais attends, moi je tire la chasse d'eau, espèce d'abruti. C'est pareil. C'est tes oreilles de chute tout à l'heure, elles vont voler. Bon alors, qui c'est qu'on a pour les débats? Ah ouais, Vincent. Ah, une dernière rapide. Non, il n'y a pas de dernière rapide. Par contre, il y en a une que je voudrais bien qu'on appelle là, parce que... Je voudrais bien savoir si elle est là. Ah, elle est là? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Françoise? Oui, c'est moi. Ouais, comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ça va. Dis donc, c'est quoi cette histoire là que j'ai entendu dire là? T'as envie de vouloir jouer au... T'as envie de vouloir me massacrer? Quoi? Non mais attends, moi je veux savoir là, parce que j'ai entendu dire que ce week-end t'étais passé sur Radio Anguin. Alors là, faudrait que tu me fasses écouter parce que je connais même pas cette radio là. Ah, tu connais pas? Non, c'est quoi cette radio? Ah bah, c'est une radio FM, comme Fun Radio. Et par contre, il y a autre chose, il paraît que vu que t'es pas payé, il paraît que tu veux t'amuser à aller sur Sky pour gagner 15 000 balles. Qui t'a dit ça? Ben, c'est un copain à Jordan. À Jordan? Il ouais. Y en a tellement des copains à Jordan, je sais pas. Ben, copain Jordan, c'est... c'est l'autre, là, celui qui a toujours l'habitude d'harceler Sandy au téléphone. Alors là, c'est vague, hein. Ah, tu connais pas? Bah non, Alors, tu peux comme pas ça tout connaître, hein. Ah ouais, mais attends, là, tu... apparemment, t'as envie de tout casser, alors. De quoi, j'ai envie de tout casser, de quoi? Attends, moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est pas Jordan qui me l'a dit, c'est comment... Bah dis-moi. Bah attends, je suis en train d'essayer de savoir son nom, c'est pas Jordan, c'est l'autre. Il y en a tellement. Ouais, non mais ils sont à deux et qui arrêtent pas de s'amuser à harceler Sandy au téléphone, donc c'était pour savoir. Bah j'en connais deux, oui, d'accord, j'en connais deux. Bah tu peux... Donc Jordan, oui, bien sûr. Ouais, mais justement, c'est un des deux qui arrête pas de... Bah, lesquels? Je peux pas citer les deux, hein. Je peux pas faire de la marque, hein. Non, mais de toute manière, c'est pas une marque de publicité, hein, qu'on fait, là. Moi, je te dis que, dans ces cas-là, si tu veux quitter la radio, bon, d'accord, moi, de toute manière, avec... moi, ce qui se passe avec Max, c'est mon problème, c'est pas le tien. C'est pas assez... J'ai jamais dit ça, hein. Non, mais moi, de toute manière, moi, je vais te dire une chose... De ce qui se passe avec moi et Max, ça c'est notre problème. Moi ça fait trop longtemps que je connais Max et j'ai trop besoin de lui. Hein? Ok? Ouais. Bon, après, il y a autre chose. Si tu vas sur une autre radio et que tu veux nous casser, tu veux nous mettre des bâtons dans les roues comme tu as l'intention de faire. Moi? Ouais, bah c'est ce qu'elle t'a dit. Bah déjà, il faudrait que je sois connu sur la chaîne là que tu as dit. Alors, je sais pas c'est quoi. Ah bah, je connais. Ah bah tu connais. Bah bien sûr, tout le monde en parle. Ouais bah justement, tu veux nous mettre des bâtons dans les roues avec... J'écoute jamais Skyrock. Alors, bah dans ce cas-là, pourquoi que l'autre, il nous a dit que t'allais aller sur Skyrock avec 15 000 balles par mois? 1,5 million de francs. Eh bah tant mieux, ouais. Ouais, ça serait bien, hein. Ouais, parenthèse, hein. Non mais si tu veux y aller, tu vas si tu veux, hein. Eh ben oui, pourquoi pas. Bah tu fais ce que tu veux, t'es libre, t'es majeur et t'es vacciné, tu fais bien ce que sûr. Tu veux. Bon François, sinon la vie est belle. Ça va, Maxou? Bon, très bien. Donc tu vas intervenir peut-être un peu là pendant la suite. Ok, bah. Voilà. Ok. Ok. Allez, bon bah alors, comment tu fais GG là? Ah non, mais attends, moi, si elle veut jouer comme ça, moi, ça va aller vite. Hein. Voilà. Voilà. Donc, on va faire six débats, peut-être Donc, on va accueillir Allô de la... Ah, bon, on va mettre un petit disque avant, quand même, mais on va se préparer, on va se chauffer, quand même. On va fumer une petite clope dans le studio, donc, si vous voulez fumer un petit truc tranquille. Tout est prêt, tout est ready, hein. Tout est prêt. C'est un petit coup de chouette. Là, c'est bien. Alors, là, au standard, vous allez commencer par me donner, si ça vous dérange pas, les fréquences des villes. Ouais, mais moi perso, ça me dérange. Ouais, bah toi, si ça te dérange, c'est ton boulot, mon pote. T'as un panneau là. Bon, je vais le dire avant que je te mette une baffe. Voilà. Alors, dis-moi les villes. Alors, déjà, c'est le 5 c'est 101.9. Ouais, ça pour commencer, direct. Hein? La Courneuve, c'est 101.9. Ouais. T'es d'accord? Ouais. Là, on est en train de donner les villes des auditeurs qui sont censés passer dans le premier débat. Donc, Bordeaux, alors la fréquence 108.4, je crois. 108.4. D'accord. Deauville, là. À Deauville, on saute. 52.1. À Deauville, on saute. Ça veut dire quoi, ça? C'est l'expression? Ah ouais. Bah, y'a en train de radio, on en apprend tous les jours. Hein. À combien? Ensuite, quoi d'autre encore? 52.1. Ça m'étonnerait qu'à Deauville, ça soit 52.1. Non, c'est 52.4, Manu. Eh ouais. Mais je suis pas volé pendant la pub. Hein. 52.4. Ah, alors on va passer de la pub à une heure. Ça marche, La Fosse-sur-Mer. Oui. Ah, mais ça, dans quel département? Parce que... Ah bah, j'ai même pas les départements. Oh non, mais Manu... Il y a pas de fréquence, là-bas. Oh non, il y a pas de fréquence, alors. Voilà, alors vous allez trouver une fréquence. Ouais. Hein, alors, on va s'écouter le tube de l'été, hein, le morceau qu'on écoute à peu près au minimum 3-4 fois par soirée. C'est-à-dire que tu mets Menelik derrière, tu mets Stardust. Pour les DJs, je dis ça comme ça. Tu mets Prodigy derrière, tu mets un petit Stardust quand même. Tu mets une série de slow, terminant par Céline Dion, tu renchaînes avec de la Dance Pair Source, mets un petit Stardust quand même. Il est 4h30 du matin, ça a l'air de se vider, je vais remplir la piste. Je vais remettre un petit Stardust. En gros, quoi, c'est le tube de cet été incontesté, le tube House. J'ai même lu juste avant d'arriver là que c'était, si je ne me trompe pas, la 12e meilleure entrée de l'année en ce qui concerne le classement top dance, machin. Alors que en général, c'est toujours les trucs comme Galel Tranaté. Donc apparemment, les DJ de France ont décidé de passer le cap supérieur, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Donc, must bass bisa ou de music and youth. Stardust, et puis donc 1h23 du matin, le 0803 08 5000 est toujours à votre disposition sur Fun Radio.